Le lilas par André Thoriet. Aimes-tu, mon vieil ami, les maisonnettes de village un peu délabrées? Elles ont pour moi un charme particulier. J'en ai une devant ma fenêtre qui te plairait, j'en suis sûr. Elle est basse et comme écrasée sous sa toiture de lave. La petite croisée qui l'éclaire se ferme avec un volet tout déjeté et noirci par la pluie. Les vitres à carreaux verdâtres ne laissent rien voir de l'intérieur. Et sur le bord de la fenêtre, un pied de basilic, planté dans une cruche ébréchée, intercepte le peu de lumière que les vitraux irisés pourraient laisser passer. Les pierres des murs sont rongées par le soleil et l'humidité. Au chevron du toit pendent des franges de mousse verte et sur le devant de la maisonnette s'étend une pelouse de folles herbes où les poules du voisinage viennent chercher pâture. Le seigneur et maître de ce logis est un savetier nommé Trinquès, un peu fou, un peu sorcier, un peu rebouteux, qui, tout en portant ses savates par les villages, guérit les vaches et dit la bonne aventure aux filles. Ce Trinquès ressemble à sa maison. Il a une physionomie très pittoresque. Sa tête grisonnante est invariablement coiffée d'un pyramidal bonnet de coton, dont la pointe s'affaisse en avant et dont la mèche vacillante a l'air d'un grelot de pavillon chinois. Il porte un habit veste de droguet bleu, râpé et limé, blanchi par l'âge, il a toujours sous le bras une maîtresse gaule qui ferait envie au grand bâton du juif errant. Ses yeux gris pétillants de malice démentent l'air niais que ses lèvres béantes voudraient accuser. Son nez, qui s'avance en trompe au-dessus d'un menton proéminent, a d'ailleurs une expression narquoise suffisamment caractéristique. Le bonhomme Trinquès n'a de bon que le nom. Il est plus fin que bien des gens qui crient au fou en le voyant passer. Quand les sabbats ne donnent pas, il prend son bâton blanc et va faire sa tournée dans les fermes des environs. Du plus loin qu'on aperçoit, à travers les feuillets, le bonnet recourbé et l'habit bleuâtre, toute la ferme accourt sur la porte. Les enfants jettent en l'air leurs sabots en signe de réjouissance. La fermière songe à son mouton malade. Les servantes lui demandent des amoureux et les garçons de ferme un bon numéro pour la conscription prochaine. Trinquès les contemple tous avec son air étonné. Puis, mettant son grand bâton au coin de la porte, il dit un pater sur le mouton, promet un mari à toutes les filles et vend au garçon un vieux liard rogné, talisman infaillible contre les mauvaises chances du sort. On le fait asseoir, il goûte au lard de la potée et à la piquette du fermier, et pour le dessert il chante une complainte aux enfants. À la nuitée, il regagne en fredonnant sa maisonnette et tout en cheminant, il s'interrompt pour regarder au clair de lune les sous qu'il a gagnés. Il les fait teinter dans sa main, il est heureux. Il y a des paysans qui le rudoient parfois et l'appellent fainéant. Fainéant et pourquoi? Ce mendiant chanteur de complaintes, ce savetier diseur de bonne aventure, remplit sa tâche aussi bien que vous, honnête laboureur qui piquez vos bœufs à la charrue. Dans la ferme qu'il vient de quitter, il a donné aux uns de l'espoir, aux autres des consolations. Il a égayé les enfants avec ses chansons et le fermier avec ses histoires. Voilà une maison pleine de joie pour toute la semaine. Le mouton ne guérira point, peut-être. Les amoureux pourront se faire attendre, les garçons tomberont probablement au sort, mais du moins, ils auront tous eu leur part de beaux rêves et d'espérances dorées, à l'exception du mouton, qui, s'il échappe à la clavelée, ne se garera pas du couteau du boucher. Si la vie n'est, comme on le prétend, qu'une longue rue bordée de châteaux en Espagne, celui-là a bien travaillé, qui a fait construire les plus magnifiques, et Trinquès est un de ces architectes-là. Mais le déboire des illusions, objecteront les sages. Les désillusions, ô philosophes chagrins, sont les ombres du tableau. Le tout est de savoir si vous préférez une suite monotone de jours décolorés à une variété de nuits sombres et de radieuses journées. Pour mon compte, j'aime le soleil, et je ne crois pas l'acheter trop cher en le payant par quelques heures de ténèbres. L'autre jour, la vie insoucieuse de Trinquès m'a fait envie. Je venais de déménager. Tu sais combien est triste un appartement démeublé. Les malles gisent éparses, les murs sont nus, de grises toiles d'araignée pendent aux lambris. Le menuisier frappe à coups de marteau sur les cloisons. On dirait qu'il cloue votre cercueil, tant ce désordre a un aspect funèbre. Pour me distraire de mes idées noires, j'avais ouvert la croisée. J'aperçus Trinquès devant sa porte. Appuyé sur son grand bâton, Il regardait mes meubles entassés, d'un air indifférent. Parfois même, je croyais lire sur sa physionomie placide une expression de pitié railleuse pour tout ce tracas de l'emménagement. Quand il eut bien vu, il rentra dans son échoppe et se mit à battre vigoureusement une semelle racornie en chantant un vieux Noël bourguignon. « L'heureux homme, m'écriai-je, il a une maison à lui. Le passé ne lui pèse pas, l'avenir ne l'effraie point. Il y aura toujours des conscrits, des filles à marier, des savates à ressemeler et des moutons à guérir de la clavelée. Il ne se mettra jamais martel en tête pour forger des rimes et bâcler des articles de journaux. Il n'a ni désillusion à pleurer, ni maîtresse perdue à regretter. Le jour où il quittera sa maisonnette, ce sera pour s'en aller, doucement paqueté dans sa bière, dormir sous le gazon et les pâquerettes qui poussent autour de l'église. L'heureux homme !» Eh bien, je me trompais. Cet insoucieux bonhomme a eu aussi sa part de douleur. Il avait, à l'angle de sa maisonnette, un lilas à la tête touffue, où venaient chanter les pinsons, un grand lilas qui, au mois de mai, se couvrait de grappes violettes et parfumait tout l'alentour. Cet arbre était l'amour, l'orgueil de Trinquesse. Les filles lui faisaient la cour pour voir des brins de son lilas, et les passants s'arrêtaient devant sa porte avec admiration. Il aurait donné sa maison plutôt que son lilas. Hélas, le cher arbre lui rappelait les plus beaux jours de sa jeunesse, ses jours de force, de gaieté et d'amour. Dans l'odeur des grappes épanouies, Trinquesse retrouvait tous les souvenirs du temps passé. Bien souvent, dans les soirs d'été, il avait amené sous son arbre une belle fille qu'il aimait. C'était là que, plus tard, il avait vidé plus d'une bonne bouteille avec un ami. Quand le soir il rentrait de ses tournées et qu'il apercevait de loin la tête empanachée de son lilas, il entonnait un air de bravoure. Un soir, c'était le 30 avril, le lilas commençait à verdoyer et à s'épanouir. En fermant son volet, Trinquesse s'était dit « Demain il sera tout en fleurs » et il se réjouissait d'avance en songeant à la pleine floraison du lilas. Le pauvre homme. Il avait compté sans les amoureux du village. Pendant la nuit du 1er mai, les jeunes gens vont porter un mai à la porte de leur amoureuse. L'un d'eux ne trouva rien de mieux que de choisir pour son mai le lilas de Trinquesse, et vers la minuit, il le scia et le transporta dans la cour de sa maîtresse. Dès le matin, Trinquesse mit le nez à la fenêtre pour admirer l'arbre épanoui. Oh, douleur ! Il ne vit plus rien. Que le mur grillait nu, le lilas avait été coupé à ras de terre. Le bonhomme tomba sur le plancher tout suffoqué de sanglots. « Mon lilas, mon pauvre lilas » s'écria-t-il. Il fut pris d'une grosse fièvre et garda le lit pendant 15 jours. Dès qu'il put marcher, il alla à la fenêtre. Le soleil dorait les murs de la maisonnette, mais le lilas n'était plus là. Trinquesse sentit des pleurs couler sur ses joues ridées. « Le misérable, dit-il, il m'a pris plus qu'un arbre. Il m'a pris ma joie, mon amour et ma force. Me voilà vieilli de 20 ans. » C'était Le Lilas par André Theuriet.